Ronde 2, espace C. Tu as une idée de du temps qui nous est imparti? Une heure. Une heure. Merci. Nous rejoins. Oui. Donc jusqu'à 15h15, okay. Parce qu'il a dit une heure. Alors, bah, au fur et à mesure qu'il y en a qui arrivent, on va élargir le cercle. Oui. Ah oui, c'est que des verres. Non, je suis d'accord, c'est la même, c'est pas la même. Ok, pourquoi pas? Selma, elle prend le micro, on attend Selma. Là. Pour votre information, le premier, enfin, cette ronde s'arrêtera à 15h30. Celle-là. Entrez dans la ronde. Peut-être commencer, oui. Ça y est, elle arrive. Cite-toi d'homme. Regardez le soleil. On commence. Alors, Selma propose pour commencer à faire groupe, à nous retrouver justement un petit exercice. Alors, si vous êtes partant, oui, de centrage, juste prendre le temps d'atterrir en faisant quelques respirations ensemble. Donc, je vous invite à poser les deux pieds par terre. À imaginer vos longues racines qui s'enfoncent jusqu'au cœur de la terre. Fermez les yeux ou les laissez descendre au sol. Et puis commencez à respirer. Suivez ce chemin depuis une espèce de cœur battant au milieu de la terre qui remonterait dans de longues racines jusqu'à vos pieds. Et cette respiration continue de monter dans vos jambes, dans votre dos, jusqu'à la tête. Essayez de penser un peu cette espèce de continuité, comme si on était des arbres et qu'on était juste là, comme ça. Et on respire. On respire tranquille. Et puis, on va m'imaginer que sur nos arbres, sur nos branches, il y a plein de bourgeons. Et que ces bourgeons vont s'ouvrir comme plein de petites fleurs qu'on va pouvoir partager avec les autres. Et à votre rythme, vous reviendrez dans cet espace de partage avec toute la beauté que vous avez dans les yeux. Merci Selma. Merci Selma. Je lance l'atelier. J'ai proposé par intérêt tout personnel ce sujet sur, j'ai appelé ça outil de la gouvernance partagée. La question étant un peu de savoir comment est-ce qu'on fait concrètement pour constituer un groupe en étant le plus hospitalier à toutes et tous. comment on le fait vivre en évitant, j'allais dire, de reproduire les rapports de domination à l'œuvre dans la société. On est dans des milieux où on prétend, on a en tout cas souvent l'intention de le faire, et pour autant, entre les intentions et l'action, bah, c'est, le pas n'est pas toujours évident. Donc j'avais un peu envie qu'on puisse en partager nos expériences et puis partager aussi nos bonnes pratiques en la matière. Ça peut être des outils pour savoir comment, très concrètement, on arrive à fonctionner de cette manière-là. Donc il y a la question dans des dominations notamment de genre, mais pas seulement, mais aussi parfois dans des groupes d'entre-soi. Donc il n'y a pas aussi seulement la question du groupe en interne à mon sens, mais celle du rapport avec ce qu'on a appelé dans le groupe de ce matin les frontières, les extérieurs, et comment on reste hospitalier par rapport aussi à d'autres personnes qui ne nous ressemblent pas. Donc voilà, je vous propose qu'on commence, et peut-être que pour que ce soit plus simple pour échanger, qu'on puisse demander la parole pour que ça évite qu'ils s'interrompent, qu'on s'écoute comme c'était proposé, et puis qu'on puisse chacun ne pas avoir besoin de parler plus fort que l'autre pour pouvoir s'exprimer. Et je sais pas qui... Enfin, les fiches expériences, peut-être qu'on les donnera après pour qu'elles soient complétées. Alors, je prends des notes que je peux après, que je fais en photo et que je prends s'il y a d'autres personnes. Je peux être responsable. Moi, je mettrai un format article. Pour remorcer la pompe, je pourrais dire une chose que j'ai appris dans le groupe de ce matin, c'est que il y a une autre forme de domination auquel on ne pense pas souvent, c'est la domination par la tâche, par l'efficacité, la manière dont un groupe se discipline, voire se fouette, au nom du projet sur lequel il est censé être centré, et que ça aboutit à négliger le groupe pour lui-même. Le fait qu'on a aussi besoin du groupe, pour le groupe, indépendamment de la tâche sur laquelle il est centré. Voilà, ça c'est un point qui m'a semblé assez intéressant, parce que on imagine la domination toujours incarnée par quelqu'un, alors que là c'est à l'intérieur de nous que se produit le fait. Je sais pas que, je pense que l'idée de l'efficacité par rapport à un objet ou un objectif, c'est qu'on va définir un certain nombre de règles qui seraient à respecter. Et c'est peut-être ça. C'est peut-être qu'il y a, pour horizontaliser les choses, c'est aussi se poser la question de l'évolution de l'objectif. En fonction d'une rencontre, en fonction de l'autre. Alors que souvent, on se fiche sur un objet. Et qui fait qu'on finit par définir les rôles sont adaptés par celui qui serait censé le mieux représenter l'objectif, ou le mieux le défendre. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Ouais. Pour transformer ça, il faut être disposé et disponible à ce qui advient. Mais ça pourrait. Alors, tu voudrais dire, par exemple, régulièrement, au début, on se donne, j'allais dire, une fréquence, et on se dit, bon, on se revoit et on se reparle de notre objectif. Est-ce qu'on est d'accord? Je trouverais ça hyper intéressant, mais qu'on n'a pas l'habitude de se dire, quoi. Oui, mais ça peut aller jusque-là. Ouais. Mais sinon, c'est une question d'être disponible. Souvent, on est figé sur l'idée qu'on se fait de quelque chose. Moi, j'ai un apport dans mon expérience du travail à partir de ce qui naît des relations. parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de projets qui n'avaient pas d'autre raison d'être que de creuser des idées. Et ce qu'on fait réellement, ça c'est quelque chose qui se révèle dans l'interaction progressive avec quelqu'un. Donc on a pas mal d'amis, on sait qu'on donne cet espace aux idées pour être raffiné dans l'échange. Et donc ça fait passer différents temps vers la concrétisation des projets où c'est comme si on faisait des petits projets où on sait qu'on expérimente des choses, mais que y a peut-être d'autres projets dans la relation qui vont au-delà du projet lui-même en fait. Et à l'inverse, des fois bah, c'est juste la relation qui bricole quelque chose, enfin, on a cette écoute. Ouais. On a cette écoute. Dans nos façons de faire, en fait, on attend de sentir qu'on a une impulsion vers l'autre pour dire ah ouais, il faut qu'on se parle, ça a avancé de mon côté, et toi, t'en es où? Ah, eh ben, c'est ça ensemble. Et en fait, on fait de la couture comme ça. À deux, c'est plus facile, évidemment, avec tout un groupe. On met en place des protocoles, quoi. Une vigilance. Justement, dans votre expérience, qu'est-ce que vous avez mis en place? Que, comme tu dis, rester ouvert à ce qui advient. Bon, alors, je me dis, allez, reste ouverte à ce qui advient. Non, mais je plaisante. Et tu vois, c'est de se dire, quel exercice on se donne, ou quel rituel, j'aime bien parler de ça, pour pouvoir... Bah, comme l'exercice un peu là de peut-être centrage, ou tu vois, qu'est-ce qu'on peut se donner comme des rendez-vous informels pour justement naître d'autres choses, des relations que le projet lui-même. Enfin, voilà, qu'est-ce que vous avez pu expérimenter ou des idées de ça quoi, qui pourraient nous inspirer? Moi j'ai expérimenté dans des groupes en formation le rituel de chacun prendre la parole les uns après les autres, même si c'est pour dire je n'ai rien à dire. Mais ce simple principe d'instaurer ça de manière ponctuelle oblige tous les silencieux à se mouiller et éventuellement à découvrir en se mouillant d'ailleurs qu'ils ont quelque chose à dire finalement. Et ça, c'est un rituel qui me paraît tout à fait salutaire. Quoi. Bon, on va le mettre en application tout de suite. C'est d'accord. Ça tu es la parole. Non, mais si vous êtes d'accord, c'est chouette. Moi, j'ai quelque chose qui m'est évoqué suite à ce que vous avez dit. Mais je ne sais pas du tout si c'est dans le sujet. Alors, ne commence pas à t'excuser. C'est alors, là où c'est important. Est-ce que vous connaissez les projets de création d'écoles démocratiques à Marseille? Ouais, j'en ai entendu parler. Ça, pas tout le monde alors. Il y a deux projets d'écoles démocratiques à Marseille. Au début, il y en avait un. Et puis, ce groupe avait un tas d'envies, dont celui de créer un lieu qui soit... Alors, est-ce qu'il faut que je vous dise ce que c'est l'école démocratique? Non, pas trop. Oh, bah, pas perdre trop. Oui. Moi, en un mot, si, je veux bien. Ouais, je pense que l'école est démocratique, mais en fait, non, elle l'est pas. Alors voilà, donc c'est en gros, il n'y a pas de respect du programme par rapport. Il n'y a pas de programme en fait. Il y a juste un horaire en gros de, mettons, de 9h à 17h, mais il est aussi très variable. C'est classe unique, on accueille des enfants de 3 ans à 19 ans. En gros, bah, après, il y en a, c'est un peu plus restreint, d'autres, ça va jusqu'à 21 ans. C'est la grande liberté. Donc, on peut, les enfants ne sont pas obligés de venir à 9h. Ils peuvent s'ils veulent, mais si les parents les amènent, etc., mais ils peuvent aussi ne venir que l'après-midi. C'est eux qui décident ce qu'ils vont apprendre. Et de toute façon, on n'apprend pas de façon classique avec quelqu'un qui sert le savoir comme dans un entonnoir, mais on apprend en jouant, en faisant, etc. Il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, je ne vais pas m'étendre trop longuement. Le principe, c'est de dire qu'on apprend par le jeu et on apprend par l'interaction avec des enfants de tous les âges, bien sûr, hein, je l'ai déjà dit, mais aussi avec des adultes. Et puis, même, en fait, on ne vient même pas proposer des choses. les adultes ne sont pas proposants de telle ou telle activité. En fait, ils font des choses. Et ils font, ils peuvent se mettre dans un coin avec un accordéon, dans un coin avec un chevalet de peinture, et puis ils font. Et puis les enfants viennent ou pas. Et en fait, il y a plus d'enfants qui viennent comme ça que si on leur dit, bon, bah, de telle heure à telle heure, il y a peinture ou il y a accordéon. Donc, il y a plein de questions qui se posent, mais ce n'est pas le sujet. Je pourrais y répondre, mais ce n'est pas le sujet. Et évidemment, comme on apprend de cette façon, par les interactions et puis par le fait de voir des choses se faire avec appétence et avec plaisir et avec goût, parce qu'en fait, c'est ça qui donne envie, eh bien, l'idée, c'est d'apprendre aussi grâce à la nature. Grâce au fait que notre environnement, ce n'est pas juste quatre murs. Bon, c'est souvent plus que quatre murs, il y a plusieurs étages, parce qu'évidemment, il y a plusieurs salles. Enfin, bon, évidemment, il faut que le lieu soit accueillant aussi. Mais en dehors du bâti, l'idée, c'est d'avoir un extérieur. Donc, ces personnes-là voulaient un extérieur. Alors, évidemment, on se pose la question du bâti, de quel endroit on va trouver à Marseille pour avoir une école démocratique avec un extérieur. Donc, l'idée, c'était d'aller vers les collines du sud. Bon, la plupart étaient plutôt quartier sud. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Et puis, finalement, le groupe s'est scindé en deux. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, il y avait ceux qui voulaient, qui étaient pressés d'avoir une école vraiment assez rapidement, parce que ça faisait déjà 2-3 ans qu'ils planchaient sur le sujet, et qu'en fait, ils continuaient à apprendre en pratiquant. Et là, ils ne pratiquaient pas. Ils auraient voulu passer à la phase de pratique. Donc, ils se sont dit, on va prendre un lieu, même s'il n'est pas celui qu'on aurait voulu. Donc, ils ont trouvé un lieu qui est rue Clovis-Hugues à la Belle de Mai. Donc, il n'y a pas d'extérieur. C'est une ancienne imprimerie. C'est un très grand lieu, c'est super. Hein, ils l'ont tout refait. Enfin, bon, voilà. Mais il n'y a pas d'extérieur. Et il y avait les autres qui, eux, avaient dit, nous, on ne déroge pas à notre idée de départ. Et donc, on continue à réfléchir. Alors, moi, j'étais proche des deux, d'ailleurs, des deux. Et donc, cet été, au mois de juillet, on a eu un week-end à la Sainte-Baume avec une des équipes, celle qui n'avait pas pris le lieu. Et l'idée était de continuer à réfléchir, tout ça. Et donc, on a réfléchi au mode de gouvernance aussi, où ce type de discussion a été abordé. J'essaie de faire court, pourquoi pas. Et puis, à un moment donné, dans la discussion, il y en a qui ont dit, mais de toute façon, ce qui est important pour moi, c'est pas que le projet, c'est pas que ça existe en fait, c'est pas que ça se fasse. En fait, moi, je suis déjà satisfaite. Je suis déjà dans le projet. J'ai pas de frustration parce que ceux qui se décident entre nous, ceux qui s'échangent, ceux qui se met en conflit, qui se résout, qui débouche sur une autre question, etc. C'est déjà ça que je cherche. Et donc, je suis tout à fait contente. Et d'autres vont dire, oui, mais moi, j'ai un enfant qui avait 2 ans l'année dernière. Il pouvait encore attendre, mais là, l'année prochaine, il va avoir 5 ans. Je ne veux absolument pas qu'il aille dans l'école du quartier. Et donc, je suis pressée. C'est pour ça que je veux que mon projet... voilà. Et alors, je ne sais pas si ça éclaire de quelque façon, mais en tout cas, les deux choses, évidemment, se conçoivent. On comprend pourquoi les uns ont été vers un projet avec... on revoit alors, nos objectifs, pour le coup. C'est-à-dire on n'est plus arrêté à l'objectif de départ. Il a été régulé, etc. Et pourquoi les autres, en fait, bah, c'est un peu advienne... finalement, on se nourrit. En fait, on est toujours en... Enfin, on est satisfait. C'est le chemin, pour le dire un peu caricaturalement, parce que ce n'est pas les uns le but et les autres le chemin. Ce serait quand même pas juste de dire ça. Je peux te poser une question. Est-ce que les enfants sont impliqués dans cette réflexion? Alors, à ma connaissance, les enfants ne sont pas impliqués dans la réflexion non, enfin, à ma connaissance, ils n'ont pas été impliqués, je dirais, de façon collective. Après, ces personnes qui ont des enfants, parce que tous n'en ont pas. Hein. Non, mais je parle de... Voilà. Donc, ceux qui sont dans ce collectif et qui ont des enfants, peut-être en parlent avec eux, avec leurs enfants à la maison. Mais avant que le projet existe, les enfants n'étaient pas impliqués collectivement. Par contre, maintenant que le projet existe, bah, sans doute que oui, mais ça, je ne sais pas. Puis plus, pas du tout. Du coup, pas sur cette question-là, parce que voilà. Et les autres, en fait, bah, pour beaucoup, pour plusieurs d'entre eux, n'ont pas d'enfants concernés. Et c'est par hasard en même temps. C'est-à-dire ont des enfants, soit n'en ont pas, soit ont des enfants qui peuvent encore attendre 3-4 ans. Voilà. Et enfin, ça tirerait, comme je ne veux pas être trop longue, voilà, mais ça tirerait des tas de. Rien que ces deux expériences tirent des tas de fils sur c'est quoi la gouvernance partagée, enfin, et la démocratie et tout ça. Je ne sais pas, je suis un peu que j'ai été longue déjà. On a 1h15, mais okay. Voilà. Si mais je veux te dire deux mots sur les fils qui nous donnent à nous. Tu vois, c'est ok. Bah, c'est plutôt c'est ce qui m'a fait évoquer ça, c'est le fait qu'on soit des fois. En fait, il y a aussi des contingences qui font qu'à un moment donné, bah, c'est aussi la grande question de comment on choisit, comment on décide. Est-ce qu'on décide d'attendre l'unanimité? Est-ce qu'on décide, alors bon, comme au Chiapas, il y a quelques années, il y a décidé, mais on fait des assemblées à n'en plus finir, on remet au mois d'après, à l'année d'après, etc. Tant qu'on n'a pas décidé, tant que tout le monde n'est pas d'accord, on remet le métier sur le... L'ouvrage sur le métier. Voilà, et sur le métier. Et donc, il faut qu'on arrive à l'unanimité. Alors, où est-ce qu'on va au consensus? Ou alors, est-ce que c'est plutôt le consensus? Et le consensus, à partir de quand on dit qu'il y a consensus? Et puis, évidemment, on peut avoir des critiques sur chacune de ces façons de faire. Je pense qu'il y a des groupes qui ont des contingences immédiates, d'autres pas. Alors là, dans l'exemple que je vous donne, c'était très clair. Parce qu'après, il y en a qui vont dire « oui, ils ont trahi certains... » C'est pas ce qui est dit, hein, mais je dis, c'est pas du tout ce que. Un groupe ne dit pas ça de l'autre, mais on pourrait dire, oui, bah, les uns ont finalement trahi leurs objectifs d'être dans un extérieur près de la colline ou avec un jardin, etc. Mais c'est pas si simple que ça, parce que c'est facile à dire quand on n'a pas d'enfant, et quand on a le temps. Donc, c'est toutes ces questions, quoi. Tu reviens sur ce que tu dis. C'est l'école que tu proposes, démocratique, laisse la liberté aux enfants de choisir. Ah oui, complètement. Une fois qu'elle est en place, vous ne mettez pas les enfants dans le choix. Oui, oui, c'est une. Pour moi, c'est là où. Je trouve que ça permettrait peut-être de se reposer la question, parce qu'on a des questions à la fois d'adultes et de gens qui auraient. L'expertise, le savoir. Et des fois, c'est intéressant de rencontrer un enfant qui n'a pas cette expertise parce que c'est son savoir, justement pour bricoler quelque chose et de voir ce qu'il y a de bien. Parce que à ce moment-là, tu te reposes autrement. Quand un enfant te parle et te donne son avis sur j'ai envie d'être dehors ou j'ai envie de ceci ou j'ai envie de cela, ou l'idée me vient d'eux, d'aller dans l'eau, tu te reposes la question, tu relativises sans doute ta conception de ce qui serait, de ce qui doit se faire. Et je pour toi, elle est idéale. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui. C'est pour ça que je trouve ça. Bah, j'entends, mais là, en l'occurrence, oui, non, mais c'est pas ça, c'est qu'en en fait, il n'y avait pas d'enfant susceptible, enfin, moins de dire qu'on en parle à des enfants de 3 ans, mais bon, pour ce qui est du bâti, c'est des choses qui se mettent en œuvre, c'est-à-dire on les fait dessiner sur... moi, c'était avec des enfants de 6-7 ans dans des démarches de participation, mais déjà leur dire, bah, ce bâtiment, t'aimerais que ce soit quoi? Et passer par d'autres modalités, et là, en fait, on est sur... Voilà. Donc ça a été fait par parler du bâtiment, c'était dans la campagne. On aura le temps de remettre le débat. Alors moi j'ai parlé. Je m'appelle Lucie, je travaille au 59 Rivoli, comme je le disais un peu ce matin. C'est un lieu qui est tenu par un collectif depuis 20 ans, le même collectif depuis 20 ans, et à l'intérieur duquel sont reproduits des systèmes de domination assez forts, surtout masculines. Et quand on les pointe du doigt, on sent bien qu'il y a quelque chose de tendu derrière et que malgré ce qu'ils disent, ils en ont bien conscience. En revanche, il y a un manque d'empathie, je pense, un peu là-dedans aussi, de zones de pouvoir qu'on n'arrive pas à faire bouger. Donc j'étais un peu voilà, je suis à la recherche d'outils ou de leviers en tout cas pour faire bouger un peu les lignes, si tant est que ce soit possible, ce dont je doute. Ce dont je non, mais un petit arrêt cardiaque, je reviens. Dans des... Non, mais je m'explique. D'accord. C'est hyper cimenté dans des collectifs où ce sont les mêmes personnes qui ont des directions et des zones de pouvoir qui sont là depuis 20 ans. Et quand tu es là-dedans seulement de passage, à part dire que et pointer et essayer d'expliquer et de faire un peu de pédagogie, tu vois, une fois que tu l'as pointé du doigt et que tu leur as montré qu'il y avait un problème, bon. Quel autre outil on peut avoir à part juste essayer d'expliquer que c'est pas ok, que ça se fait pas, c'est pas correct, c'est vraiment pas poli. C'est quoi le 59? C'est un ancien squat, aujourd'hui légal. Donc ce sont les mêmes qui ont des ateliers voilà, dans cet endroit-là, qui montaient des squats non pérennes avant, mais qui par un alignement d'étoiles et un tour de force et un coup de chance aussi, ont réussi à passer ça dans la légalité. Maintenant les murs sont détenus par la mairie de Paris. Donc c'est un collectif qui fait... où il y a énormément de mouvements dans une partie des ateliers temporaires, mais une quinzaine d'ateliers sont détenus par les mêmes artistes qui ont ouvert le lieu. Donc il y a cette légitimité qu'ils ont d'avoir ouvert cette chose et de continuer à la faire vivre en tant qu'artiste dans les lieux. En revanche, les personnes qui travaillent pour ces artistes-là, qui sont beaucoup plus jeunes, souvent de passage, qui n'ont pas le même statut, qui ne sont pas artistes. Donc voilà, il y a une difficulté en tout cas de communication ou d'empathie, mais j'ai vraiment que c'est le cœur du problème, c'est un peu l'empathie. Enfin, je n'ai pas de solution. Hein. Mais c'est plus que l'empathie. C'est un mode de gouvernance. Oui, c'est des modes de... Bah, c'est de ça. Parce qu'il existe la discrimination positive et que normalement, on va changer les choses. Enfin, ça existe, on l'adopte ou on l'adopte pas, parce que les mots sont... C'est pénible, les discriminations. Mais c'est les racines squat aussi qui imprègnent beaucoup ce lieu de détenir et de s'accrocher à l'espace et de s'accrocher à plein de choses et dès la fin, ils s'accrochent à des trucs, ils savent, je crois qu'ils savent plus pourquoi. Moi, je recommande la castration. Pardon, mais alors, j'ai pas pu dès mon retour à Paris. En effet, j'ai une solution. Non, mais je vais la proposer. Mais lors de prise de parole, c'est une forme de castration. Ça pose la question de l'appropriation, en fait. Il y a comme une fusion entre ces personnes-là et le mur, ouais, c'est une espèce de bébé. Non, mais oui, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de territoire, quelque chose de presque grégaire, de vital. Oui, d'ancienneté, mais un truc hyper animal. Et donc, d'être dans une parole de logique et ce qu'on pourrait appeler le bon sens ne rencontre pas la parole grégaire, donc on ne parle pas la même langue. Donc c'est pour ça que je dis que je pense que parfois il n'y a pas de... Mais c'est ce qu'on appelle être de droite. Non. En fait, je pense que c'est une histoire de génération beaucoup aussi. Parce que ce que j'ai vu dans certains groupes, j'ai essayé d'y aller, que ce soit des artistes ou des gens qui font ou quoi. Et en fait, ils n'ont pas envie de changer, c'est tout. Donc moi, ma stratégie... une fois que j'ai compris ça, c'est d'arrêter d'essayer et de les laisser se dessécher tout seuls, en fait. et de construire autre chose. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en entrant en relation avec des personnes d'une autre génération, et donc c'était souvent des hommes, hein, puisque c'est eux qui ont plutôt porté des choses... enfin, en tout cas, ils ont eu un certain rayonnement qui fait qu'ils sont plutôt institués, plus facilement que des femmes. Encore que j'ai aussi rencontré des femmes mais bon, qu'importe. Et donc, y en a certains qui ont envie d'ouvrir à ça et qui font cet espace pour des jeunes générations, pour des femmes, pour... voilà. Mais même dans leur ouverture, ils sont encore un peu... C'est un apprentissage, en fait. Et c'est vraiment aux femmes d'y aller, quoi, hein, je pense. C'est vrai que des fois, on est un peu à se dire ouais, comment je compose avec ça. Et c'est de faire comme si c'était naturel d'avoir déjà son fonctionnement féminin et d'y aller avec, en fait. Je pense que c'est vraiment la clé en termes de façon de se positionner, c'est de faire comme si c'était naturel déjà, même si ça ne l'est pas. Alors moi, j'ai la conduite que j'essaye d'avoir, le plus souvent, hein, bon, évidemment, c'est pas constant, il y a des fois où on se fait plus ou moins influencer, corrompre dans sa fibre féminine, mais ou c'est de l'adaptation aussi. Mais ça provoque un peu de réaction de « oh !» et puis en même temps, ça a l'air tellement naturel que « oh, ouais, ok, voyons voir. » Ça demande d'assumer un leadership féminin, en fait, quelque part. C'est aussi un apprentissage, mais je pense, voilà, ça, c'est en train de se faire. Après, il y a des endroits, il ne faut pas que ce soit une lutte, quoi. Parce que sinon, c'est qu'il faut aller jouer ailleurs. Il faut créer autre chose qui nous ressemble, quoi. Ouais, je travaille avec, enfin, on travaille tous les trois avec le 59 Rivoli, donc on est dans l'organisme de l'administration et on a beaucoup de choses à faire et pas beaucoup de pouvoir, donc c'est à peu près ça qui se passe. C'est eux qui contrôlent, quoi. C'est leurs vieilles règles, ils sont là depuis toujours, ils sont fondus dans le lieu. Mais c'est un système associatif, il doit bien avoir des statuts, des choses comme ça, non ? C'est ça, c'est ça. Il y a la théorie, et puis il y a la pratique concrète de ce qui se passe à l'intérieur. Il n'y a pas d'association. C'est régi comment ? Il y a une association. Il n'y a pas de règles dans l'association. C'est quoi les règles ? Il y a beaucoup de choses tacites. Il y a beaucoup d'intuitions, il y a beaucoup de. À l'ancienne, vraiment, il y a une AG par mois, il y a... Après, on a bien des statuts, on a un règlement intérieur assez peu développé, dans lequel on a essayé justement d'aller mettre le nez pour rabattre un peu les cartes, et il y a eu beaucoup de « oulala, alors non, pas trop vite, pas... » Il y a un conseil d'administration, à qui a ça ? Non. Il n'y a pas de conseil d'administration. Ah bon ? Ah bah, c'est pas une association. Si, une association peut avoir un système collégial. D'accord. Ça peut être un bureau, même avec deux personnes. Ça dépend. L'équivalent. Bah, ça dépend des statuts, des associations. Il n'y a pas d'obligation. Il y a le cadre qu'on peut vivre de manière actuelle. Et puis, en fait, on aura le faire ce qu'on veut. Pas trop moins deux et ouais, on roule. Ouais. Du tout. Non, mais c'est un peu ça. Les réunions commencent. Les réunions commencent. Comment ça se passe? Il est pas réélu. Il n'y a pas de moment. Père en fils. Ah, il est pas réélu. Ah bah ouais. Il y a des problèmes. Non, mais à eux, ça leur va en fait. C'est ça, en fait, c'est ça. On sait que c'est toi qui as raison. Et à eux, ça leur va très bien. C'est leur fonctionnement interne, c'est leur famille, leur. Voilà. Et nous, on arrive, on est de passage et on pointe des trucs qui pour nous, font pas sens, quoi. Combien ? En tout, dans le lieu, on est 35, mais il y a 15 gravitants tous les 6 mois. Et 15 permanents à l'année. Enfin, les gravitants. Les 15 permanents. Intéressant. Dans les 15 permanents, ces 5-là, est-ce que les 10 autres partagent les règles, enfin les non-règles Majoritairement, oui. Oui, donc les six. Conseil que tu fais, c'était les six. Non, mais enfin, sinon, c'est vrai que la question de l'insuffler dans la règle et de s'obliger, mais tout, c'est-à-dire, moi, je peux devenir à un moment donné à m'accrocher à ce lieu que j'ai contribué à fonder. Enfin, on est tous dans cette... dans ce potentiel écueil quand même, et je trouve que c'est en ça que donner des rendez-vous, ces rituels dont tu parles, ça amène, ça nous amène chacun à un peu mettre à distance le risque de ce que vous décrivez, quoi, et l'insuffler dans un règle, c'est aussi dépersonnaliser, quoi, à un moment donné. Et... Et vous pouvez prendre la parole en AG quand même. Oui, bien sûr. Et du coup, personne n'a jamais essayé de... Non. Essayer de proposer un modèle qui existe déjà, faire des trucs qui sont très, très étudiés, genre en sociocratie avec des schémas et tout, et dire, bon, ben, en fait, on peut faire ça. Et les mettre en face de leur négativité. Que eux disent non, on veut pas ça. Ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'on change, parce que pour eux ça leur va en fait. Ils ne voient pas où est le problème de domination masculine et de prise de décision par un petit groupe pour l'ensemble du groupe. Pour eux, puisque ça a toujours fonctionné comme ça et qu'ils sont encore là après 20 ans, c'est, et peut-être à juste titre, c'est une manière qui fait que ça fonctionne. Enfin, si fonctionner, c'est continuer à exister 20 ans après, dans ce cas, oui, ça fonctionne. Après, comment ça fonctionne à l'intérieur, ça, c'est une autre question. Tu le situes par les travaux, moi, sont majoritaires. En fait, ceux qui sont là depuis longtemps sont majoritaires et perpétuent en fait le fonctionnement. C'est ça. C'est dans le rapport masculin-féminin ou c'est pas trop employé? Je dirais masculin-féminin déjà. Il n'y a pas que ça, il y a aussi hétéro, ouais. Gay, lesbienne, etc. Et en matière de race, il y a aussi une grande part de personnes blanches. Donc quand même une bonne part de personnes de classe moyenne. C'est tout. Bon, alors tirez-vous. C'est notre conseil. Vous avez bien fait de venir à Marseille. Ça relève de la discrimination, du harcèlement, de tout ce que tu veux. Quel est l'objet de la recherche du boulot? C'est collectif. C'est des ateliers d'artistes. Il n'y a pas d'objet social. Non. Ça pose deux questions en fait. Par rapport à l'identité, comment on arrive à créer quelque chose et en ayant une identité ouverte? Et donc ça pose la question des noyaux dans les groupes en fait. Mais ils s'appellent justement les noyaux durs. Ouais. Un peu trop dur. et comment on fait aux électrons libres à la fois qui gravitent et... ouais. Avoir un noyau, mais une ouverture à ce qui est une vie qui se déploie. Ils sont subventionnés. Mais non. Du coup, en AG, vous discutez de quoi en fait? Parce que ce lieu-là, à part départager des espaces. L'AG, j'ai plutôt l'impression que c'est des annonces que réellement une discussion et un débat. Et quand j'essaye de lancer, peu prennent la parole et la mayonnaise prend rarement. Ils laissent parler. Mais parce qu'ils ont, je pense, intégré ce fonctionnement-là. La démocratie cause toujours. Et que le fait que à l'admin, enfin, ceux qui pédalent dans le lieu soient passagers, plus jeunes et des femmes, ils ont aussi intégré que, on pose toujours, et puis de toute façon, nous on est là, demain on sera là, toi peut-être demain tu seras plus là, et c'est cette espèce d'enclume dans le temps qui les a complètement ratatinés et figés dans des manières de faire dans notre âge. Mais peut-être que c'est en effet c'est verrouillé en fait. C'est patriarcal, une entreprise. C'est une entreprise. C'est vraiment verrouillé. Mais ils sont dans le public ou ils sont dans le privé? Enfin, le public, c'est des locaux publics. Oui. Dans lesquels ils sont. Mais c'est un fonctionnement complètement privé, on dirait. Oui, c'est un truc familial, un peu de l'ordre de la famille. La mairie n'a pas son mot à dire là-dessus, puisque c'est eux les propriétaires. Ils mettent assez peu le nez dans ce qui se passe. Après, les bilans artistiques sont très bons, puisque on est extrêmement bonnes dans ce qu'on fait, dans le taf qu'on fait, puisque nous qui pédalons, donc après, les bilans sont excellents. Donc la mairie s'arrête parfois à ce qu'on veut bien leur dire. Et comme on parle bien la langue du public, ça leur va. Oui, mais il existe quand même un mouvement sur notamment la culture, le fait que dans la programmation d'un spectacle, combien de femmes, est-ce qu'il est mixte, etc. Du coup, il y a aussi moyen dans les bilans qu'on rend de par exemple montrer que les artistes sont quasiment 90% masculins, j'en sais rien. Et que du coup ne respectent pas ces nouvelles normes. C'est le cas puisque j'ai réussi à gratter une partie de décision dans la programmation de l'espace d'expo et à venir un peu en force, parce qu'il faut être plus malin, mais à venir glisser des expos qui parlent du genre, qui sont, alors c'est, ça reste minoritaire, mais ça existe. Alors on aurait peut-être dû se donner un petit temps par personne parce que le temps file et je vous propose, si vous voulez bien, continue le tour, que chacun. Vous faites communauté et ok, ça marche. Ah, je vais tous partir. Ok. Donc, moi c'est Thomas, je suis en. Je prépare une thèse en architecture et philosophie à Paris. J'habite à Marseille. J'ai pas trop compris de quoi parler. Gouvernance que partagée. Je veux, en termes de gouvernance partagée, une idée, une expérience. Si t'as envie de parler, hein, tu peux aussi dire ben, je prends place. Que chacun puisse avoir le temps. J'ai fréquenté plusieurs lieux où on avait à prendre des décisions ensemble. Je pense que ça dépend. C'est très discuté ce truc-là, je ne sais pas ce que je peux apporter à ça. Ça dépend surtout de l'échelle. Je dirais qu'à une échelle qui dépasse 50 personnes, ce qui a été intéressant comme expérience, c'est soit une décision, vouloir entreprendre quelque chose qui ne mette pas tout le monde dans cette position-là. Enfin, une position de organiser quelque chose, mais qui n'a pas d'influence sur chaque personne qui est dans le lieu. Et dans ce cas-là, une personne propose et juste ceux qui veulent le faire viennent, ceux qui ne veulent pas le font pas. Et il n'y a pas à discuter de oui, de consensus, chacun donne son avis. C'est juste si ça a pas ou peu d'influence sur vous, en fait on n'en parle pas et puis on le fait. Et ça enlève beaucoup de temps de discussion qui peut être très superflu. Et puis si cette proposition a une influence sur tout le monde. Dans ce cas-là, avoir des tours de parole, avoir des discussions qui peuvent être très très longues, jusqu'à que tout le monde soit d'accord, au cas contraire, ne pas la mettre en place. Et que chaque arrangement qui ressort de ces positions-là soit écrit et puisse être reconsidéré à tout moment par qui veut, qui fait partie, donc sans noyau dur, noyau mou, pour garder toujours une dynamique d'expérimentation, de quelque chose d'organique dans le lieu. Ah, bah c'est intéressant. Voilà. Moi, j'ai plusieurs choses auxquelles je pense. J'ai fait partie d'une équipe, donc d'un point de vue professionnel, où on était plutôt sur un même niveau. Et les règles étaient déjà très. On a créé les règles un peu ensemble en partie, mais pour le coup très ritualisées. Donc chacun avait son rôle. Enfin, en fait, l'équipe existe toujours, mais je suis sortie, je suis rentrée, peu importe. C'était un process connu dans l'entreprise, en tout cas à moi, de développement logiciel. Donc ça, c'est un premier sujet. Au travers de cette équipe et d'autres équipes, je participe aussi à des communautés de logiciels libres. Donc, des communautés qui vont à plus de 50, 200, ou ça peut être beaucoup plus. Ça peut être parfois beaucoup moins. Donc là aussi, on peut parler de gouvernance partagée, mais donc de règles décidées ensemble, de comment on avance, comment on prend les décisions, de quelle manière on va développer le logiciel, faire que telle ou telle fonctionnalité rentre ou pas, etc. Donc ça, c'est ce que je vis au quotidien. Et qu'est-ce qui me fait venir dans ce groupe, c'est que je fasse beaucoup des forums ouverts, j'en ai aussi fait, et ça m'intéresse de connaître... dans la pratique, d'autres outils qui sont mis en œuvre au sein des communes. Au quotidien, j'avais participé à une élection sans candidat dans une expérience, un atelier à part. Donc voilà, ce genre de choses m'intéresse d'avoir des références, de vécu réel, qui marchent ou pas. Et l'élection sans candidat, excuse-moi, moi je ne connais pas. Et je... Alors le contexte, c'était de le vivre une fois, donc c'était juste pendant une heure ou deux. C'était dans un cours de permaculture, donc on était ensemble pendant 15 jours et c'était juste une soirée où on nous a proposé d'élire la personne qui serait référente en termes de communication une fois que le groupe se serait dispersé. J'ai plus le process exact en tête, mais en gros, on a, par des tours de table successifs et un processus déjà déterminé avec des règles concrètes, et ben, y a des personnes qui ont identifié d'autres personnes qui pourraient remplir ce rôle. Donc, on a défini les règles de rôle, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'on attendait comme compétences ou du moins comme aptitudes derrière. Et donc les personnes identifiées, il y avait un vote caché. Et elle pouvait dire bah, je suis ok ou pas ok. Voilà. Il faut regarder sur internet le process exact. Donc il n'y a personne qui se propose. Voilà, il n'y a personne mais qui se propose. Mais toi, tu dis moi j'aimerais bien que ce soit. Ouais, c'est génial. Tu vois ah, regardez, il y a plein d'outils comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment voilà, ouais, ceux qui l'ont vécu. Alors ça, c'est une autre modalité, le tirage. Parce qu'il n'y a pas vote, pas spécialisé. Et dans ton souvenir, dans l'expérience que tu as vécue, comme ça, la personne qui a été désignée finalement de cette façon-là collectivement, elle a accepté son rôle? Oui, parce qu'on a, dans le process, on a le droit d'accepter ou de refuser, même sans forcément justifier, si je me rappelle bien. Et on m'avait parlé de la belle démocratie qui centralisait ce genre d'initiative à voir. Une asso, ça s'appelle comme ça. Oui, la démocratie, oui, qui tourne dans les villes, qui est venue d'ailleurs aux États généraux de Marseille en juin, pour présenter un peu la manière dont ça fonctionnait. Puisque j'ai la parole, la garde. Ouais. Moi, je suis Jérôme, je suis militant au Pacte démocratique. Donc, je vais te donner un bon exemple de ce que tu viens de dire. Hier soir, je suis parti de l'AG à 22h30. Et j'ai appris ce matin que j'avais été élu sans candidat, donc porte-parole du Pacte, enfin co-porte-parole de plusieurs. Donc voilà, et j'ai accepté ce matin. Et du coup, je n'étais pas là quand on a voté pour moi. Et ça se passe tout à fait comme ça. C'est-à-dire que on prend un papier, on plie, on met deux noms ou quatre noms. Et puis ensuite, il y a des présidences. Il n'y a pas de candidat. Et avant, on a défini les tâches et les compétences nécessaires. Et comment... pourquoi les gens votent pour toi? Ah bah, il faut qu'ils connaissent, oui, tu as raison. Il faut qu'ils qui, connaissent au préalable. Probablement qui parce sait que qui a envie, qui n'a pas envie, qui pourrait faire quoi? Probablement que bah moi je suis depuis le début en fait. J'ai participé un peu aussi bah, jusqu'à toutes les âgées. J'ai fait partie aussi de la coordination. Bac, c'est-à-dire, je vais essayer d'expliquer comment ça marche.